let's pray. Levons-nous, nous allons prier. Close your eyes and ask God to bless you tonight. Ferme tes yeux et demande à Dieu de te bénir ce with soir. His word. Avec sa parole. Pray that the power of the word and the spirit in the word. Pray que la puissance dans la parole et l'esprit dans la parole. Will impact you tonight. Impact ta vie ce soir. Father, we thank you. We bless you, Lord. We ask for an impartation from your word and from your anointing in the name of Jesus. Father, may each one of us receive the word full of power to change and to bless us. Lord, may we receive light for our lives. May we receive wisdom for prosperity. May we receive the power of your word to break stronghold in our lives in the name of Jesus. Father, thank you, Lord. Have mercy, Lord. Have mercy on us and bless us in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Please be seated. Mark chapter 4. Mark chapitre 4. Mark chapter 4. Mark chapitre 4. Mark chapter 4 verse 16. Mark chapitre 4. Verset 16. The Bible says that these are they which likewise, which are sown in thorny ground, who when they have heard a word, immediately receive it with gladness. Verse 17. And have no roots in themselves, and so endure but for a moment. Afterwards, when affliction and persecution arise for the word's sake, immediately they are offended. Marc chapitre 4, verset 16. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yeah, this scripture is very important scripture in the Bible. Cette écriture est une écriture très importante de la Bible. Hallelujah. Amen. Because it tells us of what the word of God does in our lives. Parce que ça nous dit exactement ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. And it tells us how we receive the word. Et elle nous explique comment nous recevons la parole. Hallelujah. Amen. And so when you read the whole story, parce que quand vous lisez toute l'histoire, you'll understand that there are different hearts. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs cœurs and different grounds et plusieurs terrains that receive the seed of the word. Qui reçoivent la semence de la parole. Hallelujah. Amen. And this particular ground et cette terre particulière or heart ou ce cœur. We're talking about to compare the heart to the ground. Parce qu'on compare le cœur à la terre. Hallelujah. Amen. And so this particular heart donc ce cœur particulier receive the word in a particular way. Reçoit la parole d'une manière particulière. Alléluia. Amen. And this heart is full of, is it, is full of, stones. Et ce cœur est rempli de pierres. Alléluia. Amen. And so, if you have a stony heart. Et si tu as un cœur de pierre. Yeah. You receive the word. Tu reçois la parole. With gladness. Avec joie. You'll be happy to receive the word. Tu es content de recevoir la parole. Hallelujah. Amen. But it will not go deep down. Mais ça ne partira pas profondément dans ton cœur. Because your heart is hard. Parce que ton cœur est dur. Like the ground. Comme la terre. So it won't go deep. Donc ça ne part pas profondément. Hallelujah. Amen. And so when the wind comes. Et quand le vent vient. You see that it will blow you and you fall. Tu vas voir que ça va souffler sur toi et tu vas tomber. Hallelujah. Amen. Are you here? Yes. So the question is, do you have a stony heart? Donc la question c'est, as-tu un cœur de pierre? Hard. Dur. Hard. Dur. Hallelujah. Amen. Yeah, so tonight I'm talking about, we're still talking about quiet time. Donc ce soir on part toujours du temps de recueillement. And one of the effects of quiet time. Et l'un des effets du temps de recueillement. Is that you will avoid shallowness. C'est que tu vas éviter la superficialité. Alléluia. Amen. You would, if you do your quiet time, you become a deep Christian. Si tu fais ton temps de recueillement, tu deviendras un chrétien profond. You will go deep down. Tu iras en profondeur dans la parole. Alléluia. Amen. The word of God will go deep down. La parole de Dieu ira profondément. And that will hold you. Et ça va te soutenir. And when the wind are blowing. Et quand le vent va souffler. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Let's read verse 17. Lisons le verset 17. Can we read it together, 1-2 in French? Pouvons-nous lire ce verset ensemble en français? 1-2. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Hallelujah. Amen. Who has a different version? Qui a une version différente? Okay, read it for us. Mais ils ne laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Hallelujah. Amen. Amen. This verse is very, very important. Ce verset est très, très important. Hallelujah. Amen. Yeah, it says that they have no root in themselves. Le verset dit qu'ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Hallelujah. Amen. And when persecution and affliction arise. Et quand arrive la tribulation et la persécution. Hallelujah. Amen. It means that persecutions and afflictions will come. Ça veut dire que les persécutions et les tribulations viendront. Yeah. You have difficulty. Tu auras des difficultés. Amen. Amen. You will have problems. Tu auras des problèmes. You have challenges. Tu auras des challenges. You will have temptations. Tu auras des tentations. Hallelujah. Amen. Are you here? Yes. Who has never been tempted before? Qui n'a jamais été tenté avant? Who has never been tempted? Qui n'a jamais été tenté? Who has never had a difficulty before? Qui n'a jamais eu une difficulté avant? Hallelujah. Amen. We all will have them. Nous avons tous eu des difficultés. Amen. Amen. Are you here? Yes. We all have difficulties. Nous avons tous des difficultés. We have problems. Nous avons tous des problèmes. We have persecutions. Nous avons des persécutions. We have afflictions. Nous avons des afflictions. Wow. Wow. That's why you need to believe. C'est pour ça que tu dois croire. You have to be deep. Tu dois croire. You have to be deep, deep. Tu dois être profond. Hallelujah. Amen. You have to allow the word of God to go deep down. Tu dois permettre à la parole de Dieu d'aller en profondeur. You don't need to have a hard heart. Tu n'as pas besoin d'avoir un cœur dur. Or a stony heart. Ou un cœur de pierre. Wow. Wow. Hallelujah. Amen. Yeah. So, our quiet time tells us to avoid to be shallow. Donc, notre temps de recueillement nous permet d'éviter d'être superficiel. Superficial. D'être superficiel. To not know deep. De ne pas things. Connaître profondément. Hallelujah. Amen. To not know certain things. De ne pas connaître certaines choses. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. The Bible says in Psalm 92 verse 13. Bible dit dans le psaume. Verse 13 or verse 14, depending on version. Le psaume 92 verset 40. 13 or 14, depending on the version. Verset 13 ou 14. Hallelujah. Amen. Yeah. He says that those that be planted. Parce que ceux qui sont plantés. Hallelujah. Amen. Those that be planted. Ceux qui sont plantés. Those that be planted, ceux qui sont plantés, will prosper. Vont prospérer. Are you there? Yes. Yeah. If you are not planted, if you are not deep, donc si vous n'êtes pas planté, si vous n'êtes pas profond, it's likely that you cannot prosper in the Lord. Il semble que vous n'allez pas prospérer dans le Seigneur. Hallelujah. Amen. Are you here? Yes. Yeah. Yeah. So tonight, I just want to encourage you. Donc ce soir, j'aimerais simplement vous encourager. I don't know whether we started doing a quiet time. Donc, je ne sais pas si nous avons commencé à faire notre temps de recueillement. Last week we learned practically how to do a quiet donc la semaine passée, nous avons appris pratiquement comment faire le temps de how recueillement. Many people are here? Combien de personnes étaient là? How many people are here? Combien de personnes étaient là? Practically. So a lot of people are not here. Donc beaucoup de personnes n'étaient pas là. Hallelujah. Amen. Yeah, it's one of the things, one of the basics. Donc l'une des bases of Christianity. De la christianité. Is your quiet time. C'est le temps de recueillement. It doesn't mean that quiet time is easy. Ça ne veut pas dire que le temps de recueillement est facile. Is it easy? Est-ce que c'est facile? It's not easy. Ce n'est pas facile. So you need to make an effort. Donc tu dois faire un effort. And it's not easy for anybody. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Hallelujah. Amen. But if you know the benefits, mais si tu connais le bénéfice, if you know what it will do for you, si tu sais ce que ça va faire pour toi, I think that that will be the motivation for you to do your. Je pense que ça sera ta motivation pour faire ton temps de recueillement. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So be a Christian who is deep. Donc soyez des chrétiens qui sont profonds. So that you can stand. Afin que vous puissiez tenir. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. A lot of us are not deep. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas profonds. There are Christians, the little things. Nous avons juste des, connaissons des petites choses. A little thing will draw you, will take you away from church. Juste des petites choses vont vous sortir de l'église. Yeah. Somebody talking to you, saying something little. Quelqu'un va vous dire juste une petite chose. About your Christian life, then you stop. À propos de votre vie chrétienne, vous allez arrêter. Yeah. A lot of you here. Et plusieurs d'entre vous ici. If you face you tonight. Et si je vous fais face ce soir. And I rebuke you. Et je vous reprends. You will not come back to church. Vous n'allez pas revenir à l'église. Yeah, a lot of you here. Beaucoup d'entre vous ici. If I rebuke you right now. Si je vous gronde tout de suite. You see that you are going home. You won't come back to church. Vous allez voir que vous n'allez plus venir ici, même le dimanche. How come the pastor will talk to me like that? Comment le pasteur peut me parler comme ça? How come my friend will talk to me like that? Comment mon ami peut me parler comme ça? In front of everybody. En plus devant les gens. Yeah. It's because you don't know. Parce que tu ne sais pas. 2 Timothée 2, 3, 16, 17. 2 Timothée 2, 3, 16, 17. Parce que tu ne connais pas. Because you are not deep. Parce que tu n'es pas profond. That in Christianity, you need to be rebuked sometimes. Dans la christianité, tu as besoin d'être corrigé certaines fois. Yeah. How can the pastor be angry? Comment le pasteur est fâché? It's because you don't know. Parce que tu ne sais pas. Éphésiens chapitre 4. Verse 26. Because you don't know that you can be angry. Tu ne sais pas que tu peux être fâché. So when the pastor is angry with you, then you go, you leave the church. Parce que quand le pasteur est fâché, maintenant tu pars because de l'église. You're not deep. Parce que tu n'es pas profond. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. Wow. Wow. So tonight I want you to be a deep Christian. Donc ce soir j'aimerais que tu sois un chrétien decide profond. Decide that I'm going to do my quiet time. Décide que à partir de maintenant je ferai mon temps de recueillement. Yeah. You got the preaching. La prédication, the preaching gives you direction. La prédication te donne la direction. That when you go home, like I'm preaching about quiet time. Comme maintenant, comme je prêche le temps de recueillement. Yeah. So when you go home, quand tu vas à la maison, you are going to put the preaching into practice. Tu vas mettre la prédication personally. En pratique, personnellement. Then you do it personally. Et tu le fais personnellement. Every day. Tous les jours. And you can become stronger. Et tu vas voir que tu vas devenir God plus fort. You a lot of tu vas te dire beaucoup de choses. God shows you a lot of tu vas te montrer beaucoup de choses. Hallelujah. Amen. You begin to know God. Tu vas commencer à connaître Dieu. You begin to understand yourself tu vas commencer Christian. À te comprendre toi-même en tant que chrétien. Yeah, you begin to walk with God. Tu vas commencer à marcher avec God Dieu. Told me this today. Dieu m'a dit ceci aujourd'hui. And I'm doing it. Et je le fais. I'm obeying the word. J'obéis à la parole. Yeah, a lot of us, we don't. Some of you ladies. Plusieurs d'entre nous ne le faisons pas. You just meet a foolish boy. Parce que certains d'entre vous, c'est juste un, vous suivez juste un garçon. A foolish boy. Un garçon idiot. Who will say, I love you. Il va te dire, je t'aime. So don't come to church. Et puis tu vas plus venir à l'église. No, no, no. I said, you meet a boy. Tu vas rencontrer un garçon. Who says he loves you. Il va dire qu'il t'aime. So don't come to church. Donc ne va pas à l'église. And you will not come. Et tu vas pas venir. You will not come, a lot of you. Tu vas pas venir, plusieurs d'entre vous. Oh, a boy, you meet a girl, and you say you love the girl. Ou un garçon, vous rencontrez une fille, vous dites que vous aimez la fille. And the girl says, I don't go to church, so don't go. Et la fille dit, moi, je vais pas à l'église, donc toi aussi ne pars pas. If you love me, don't go. Si tu m'aimes, ne pars pas. And so, I love you, so I don't go. Il dit, oh, je t'aime, je n'irai pas. Yeah. Oui. Yeah. Oui. Because most of you, it's your friends. Parce que plusieurs d'entre vous, ce sont vos amis. Who deceives you? Qui vous they trompe? They deceive you. Qui vous trompe? And it's because you are not deep. Parce que vous n'êtes pas profond. You listen to them. Vous écoutez ces amis-là. You go away from God. Et vous allez loin de Dieu. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. It's because you are not deep. Parce que vous n'êtes pas profond. And if you are not deep, si tu n'es pas profond, you can easily fall away. Tu peux facilement tomber. Yeah. You can easily. Tu peux facilement. You can be deceived. Tu peux facilement être trompé. You can be told the wrong thing. On peut te dire quelque chose de faux. And you don't know. Et tu ne sais pas. Hallelujah. Amen. So let's look at the things that shows that you are not deep. Donc, regardons les choses qui montrent que vous n'êtes pas profond. The things that show that you are not deep. Les choses qui montrent que vous n'êtes pas profond. A lack of knowledge of the scriptures. Un manque de connaissance de la parole. A lack of knowledge. Un manque de connaissance. A lack of knowledge of the scriptures. Un manque de connaissance de la parole. Hallelujah. Amen. Yeah. A lot of us, we don't know what the word of God says about a lot of things. Plusieurs d'entre nous ne savons pas ce que la parole de Dieu dit sur beaucoup de choses. We don't know it. Nous ne savons pas. If you take one thing, mention one thing, let's see. Donc, mentionnez quelque chose et puis voyons. Mention one thing. Mentionnez quelque chose. Go to church. Allez à l'église. You don't know what the Bible said about go to church. Tu ne sais pas ce que la Bible dit à propos d'aller à l'église. And you don't know even the scripture that says that. Et tu ne connais même pas la parole qui dit, qui parle de ça. Yeah. So if somebody comes out, oh, why are you going to church? Or don't go to church. Donc si quelqu'un vient vers toi et dit, oh, pourquoi tu pars à l'église? Ne pars pas à l'église. You don't have the scriptural basis to say that I will go to church. Tu n'as pas une base dans la parole qui dit que, ok, je vais aller à l'église. So you can't tell your friend that no, I will go to church. Donc tu peux pas dire à tes amis que tu vas à l'église. True or not true? Vrai ou pas vrai? Yeah. A knowledge of the scriptures. La connaissance de la parole. You don't have knowledge. Tu n'as pas la connaissance. You don't know the Bible. Tu ne connais pas la Bible. You don't know the books of the Bible. Tu ne connais pas les livres de la Bible. You don't know where the Bible talks about Moses. Tu ne sais pas où est-ce que la Bible parle de Moïse. David. Daniel. Joshua. Josué. Even Jesus Christ. Et même Jésus-Christ. You don't know. Tu ne sais pas. Knowledge, la connaissance. Knowledge of the scriptures. La connaissance de la parole. Hallelujah. Amen. Yeah. You can't tell, you can't give me, you don't know why the Bible says that you should be born again. Tu ne sais pas pourquoi la Bible dit que tu devrais être né de nouveau. You don't know. Tu ne sais pas. And you don't know where. Et tu ne sais pas où. What scripture? Quelle écriture? Yeah. We have the schools. Nous avons les écoles. New believer school. École des nouveaux croyants. Serving grace principle school. L'école du manuel du nouveau croyant. People don't go. Les gens ne partent pas. Just to get knowledge of the scriptures. Juste pour avoir la connaissance de just la parole. Just to understand why you are born again. Juste pour comprendre pourquoi est-ce que tu es né de nouveau. Why, what when you are not born again, what it is like. Quand tu n'es pas né de nouveau, qu'est-ce que c'est? And when you are born again, what's the difference? Et quand tu es né de nouveau, quelle est la différence? You don't know. Tu ne sais pas. Because you didn't go there. Parce que tu n'es pas allé là-bas. And people don't like to go. Et les gens ne veulent pas aller là-bas. Great principle. Les sept grands principes. They don't know. Ils ne connaissent pas. Yeah. Wow. Wow. Knowledge. La connaissance. Knowledge. La connaissance. Are you here? Êtes-vous là? Do you understand the comprenez-vous? Word? Do you understand the word? Comprenez-vous la parole? Should I preach or should I stop? Dois-je continuer à prêcher ou bien? Yeah. You don't know about salvation. Vous ne connaissez pas à propos du salut. Oh, you also, oh, I want to prosper, I want to prosper. Je veux prospérer, je veux prospérer. Wait, what does the Bible say about prosperity? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la prospérité? Oh, ou bien? Yeah. Yeah. Oui. You need to know. Vous devez savoir. Hallelujah. Amen. Yeah. I want to marry, I want to marry. What does the Bible say about marriage? Je veux me marier. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du mariage? All of us. Tous ici. All of us here. Tous ici. It's one of our major projects. C'est l'un de nos projets majeurs. True or not true? Vrai ou pas vrai? Projects. Projet. Some people even stop school because of that project. Même certaines personnes ont arrêté l'école à cause de ce projet-là. Yeah. Ah oui. But what does the Bible say about marriage? Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos du mariage? You need the knowledge of the scripture. Vous avez besoin de la connaissance des écritures. I love you, I love you. What does the Bible say about love you? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de je t'aime? You don't even know. Tu ne sais même pas. Where it is in the Bible? Où est-ce que c'est dans la Bible? And what does love mean? Et qu'est-ce que l'amour signifie? A lot of us have a misconception. Certains d'entre nous avons une mauvaise conception. Of love. De l'amour. What it is? Qu'est-ce que c'est? Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? You need the knowledge of the scripture. Vous avez besoin de la connaissance des écritures. Knowledge. Connaissance. Knowledge. Connaissance. Knowledge. Connaissance. Alléluia. Amen. Yeah, knowledge of the scripture. Oui, la connaissance de la, yeah, des écritures. A lot of you fornicate. Beaucoup, plusieurs d'entre vous forniquez. But you don't know what the Bible says about sex. Mais vous ne savez pas ce que la Bible dit à propos du sexe. There's no topic. Il n'y a pas de thème. There is no situation. Il n'y a pas de situation. That is not in the Bible. Qui ne se trouve pas dans la Bible. So if you go looking for solution somewhere. Donc si tu vas chercher la solution quelque part, you are in the wrong place. Tu es au mauvais endroit. Yeah. Ah oui. Alléluia. Amen. Yeah. What that the Bible says about work. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du travail? You work, you know, I'll finish school and go and work. Oh, je vais finir l'école après, j'irai travailler. Qu'est-ce que la Bible dit à propos du travail? It's in the Bible. C'est dans la Bible. Hey. Aye. Yes. You people. Et vous là. You need knowledge, oh. Vous avez besoin de la connaissance, oh. Knowledge. Connaissance. Knowledge. La connaissance. Get knowledge. Acquérir la connaissance. Take the Bible. Prends la Bible. Do your quiet time. Fais ton temps de recueillement. One verse every day. Un verset chaque jour. One verse every day. Un verset chaque jour. In the year you have known 52 or how many? 365 or 366 verses. Dans l'année vous allez connaître au moins 365 ou bien 366 versets. That's a lot of knowledge. Ça c'est beaucoup de connaissances. Or? Ou bien? That's a lot of knowledge. C'est une grande connaissance. Instead of saying that, in the year I want to read from Genesis to Revelation. Au lieu de dire, je veux commencer à lire à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Yeah, you read it. Oh, vas-y, it's not a bad project. Ce n'est pas un mauvais projet. But you'll not be deep. Mais vous ne serez pas profond. You'll not be deep. Vous ne serez pas profond. Alléluia. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, you'll not be deep. Vous ne serez pas profond. Wow. Wow. Am I encouraging somebody? Est-ce que j'étais à quelqu'un? Yeah. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Verse 1. Verset 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have no charity, I become a sounding brass and tingling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith that I can remove mountains and have no charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have no charity, it profited me nothing. 1 Corinthiens 13, partie du verset 1. Quand je parlerai les langues des anges et des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. Amen. Have you seen? Avez-vous vu? It's talking about love. Ça parle de l'amour. It's talking about love. Ça parle de l'amour. Yeah. So already, if you do your quiet time on this, donc déjà que si tu fais ton temps de recueillement sur ça, you will see that love is above anything. Vous allez voir que l'amour est au-dessus de toute chose. Or true or not true? Vrai ou pas vrai? As he's saying, c'est ce you qu'il can dit. Do all things. You can even kill yourself. Tu peux même te tuer. You offer your body to be bent. Tu offres ton corps afin d'être brûlé. Yeah. And you don't have charity. Et tu n'as pas l'amour. It's nothing. Tu n'es rien. So it puts love at a certain level. Donc ça met l'amour à un certain niveau. And a lot of things are below. Et beaucoup de choses sont en bas. Have you seen it? Avez-vous vu? Just explaining the scripture alone. Juste expliquer l'écriture seule. It gives you another understanding of love. Ça vous donne une autre compréhension de l'amour. True or not true? Vrai ou pas vrai? Yeah, so when you say you love somebody, donc quand tu dis que tu aimes quelqu'un, you love a girl, tu aimes une fille, or you love a boy, ou tu aimes un garçon, hey, it's above all the other things that you are doing. C'est au-dessus de toutes choses que tu fais. up. Ou bien? Yeah, you are offering your body to be burnt. Tu offres ton corps afin d'être brûlé. You are offering your body to be sex. Tu offres ton corps pour le sexe. It's nothing. Ce n'est rien. It's not love. That's not love. Ce n'est pas l'amour. Hallelujah. Amen. You get what I mean? Et vous comprenez ce que je dis? So already if you do your quiet time on those verses. Donc déjà que si tu fais ton temps de recueillement sur ces versets, another view. Ça vous donne une autre vue. You get another understanding of love. Vous avez une autre compréhension de l'amour. And when you go down, et quand vous allez en bas, then begin to discover the characteristics of love. Vous commencez à découvrir les caractéristiques de l'amour. Charity suffered long. L'amour. Charity suffered long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth itself not and is not puffed up. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous là? If you do your quiet time on this verse. Donc si vous faites votre temps de recueillement sur ce verset. And you put it into practice. Et vous le mettez en pratique. Can't you see that you'll be a good person? Pouvez-vous voir que vous allez devenir une bonne personne? Can't you see that it will change you completely? Ne voyez-vous pas que ça va vous changer Can't complètement? You see that it will be different? Ne voyez-vous pas que vous serez différent? When you, before you tell somebody that I love you. Avant de dire à quelqu'un que je t'aime. It means that you are going to be patient with the person. Ça veut dire que tu vas être patient avec la personne. It means that you are going to do good to the person. Ça veut dire que tu vas faire des bonnes choses à la personne. It means that you are not going to be too proud. You are going to be proud towards the person. Ça veut dire que tu ne seras pas orgueilleux envers la personne. Yeah? Because when you see people when they are fighting. Parce que quand vous voyez deux personnes qui se battent. It's a direct expression of pride. C'est une expression directe de l'orgueil. Yeah? Knowledge of the scriptures. La connaissance des écritures. Hallelujah. Amen. We've been praying about speaking in tongues. Nous avons prié à propos du parler en langue. What it is? Qu'est-ce que c'est? What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? Knowledge. La connaissance. Knowledge. La connaissance. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? We talk about faith. Ça parle de la foi. What does the Bible say about faith? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la foi? What it is? Qu'est-ce que c'est? How can you get faith? Comment avoir la foi? Hallelujah. Amen. Oh, I want to have faith. Oh, je veux avoir la foi. I need faith. J'ai besoin de la foi. Oh, God, give me faith. Oh, Dieu, donne-moi la foi. But it clearly describes, clearly tells you what to do to have faith. Et c'est clairement décrit dans la Bible comment faire pour avoir la foi. But you are doing something else. Mais vous faites quelque chose d'autre. Yeah? Oui. Are you here? Êtes-vous là? You know, I think you don't understand. I don't think je vois que vous ne comprenez pas. Knowledge of the scriptures. La connaissance de And the next one is related. Et la prochaine est So if you see somebody who doesn't have knowledge of the scriptures. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'a pas la connaissance des écritures, c'est that the person is shallow. Vous voyez que la personne est superficielle. Shallow. Superficielle. Yeah. Yeah. An inability to quote scriptures. La inability to quote. L'inhabilité de citer. Yeah, to quote scriptures. De citer les écritures. Hallelujah. Amen. Yeah, where's top chrono? Où est top chrono? Top chrono. C'est in Lomé, oh, ok. Ouais, là, Lomé, ok. Yeah. Inability to quote. Inhabilité de citer. Can you quote a scripture? Pouvez-vous citer une écriture? Can you quote John 3:16? Pouvez-vous citer Jean 3:16? You see that you're shallow. Vous voyez que vous êtes superficiel. Yeah? Oui. I shouldn't go there. Que je n'aille pas là-bas. I shouldn't go there. Je n'aille pas là-bas. I'm closing soon, so don't worry. Je vais finir bientôt, ne vous inquiétez pas. Inability to quote. Inhabilité de réciter. Inability to keep scriptures in you. L'habilité de garder les écritures en vous. Simple scriptures. Les écritures simples. Simple scriptures. Les simples écritures. Are you going to learn scriptures? Allez-vous apprendre les écritures? Yeah. If you do your quiet time on 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Si vous faites votre temps de recueillement sur 1 Corinthiens 13 verset 4. Ça fait long. L'amour est patient. And you do your quiet time on that scripture today. Et si vous faites votre temps de recueillement sur By the time you finish, aujourd'hui avant que vous puissiez finir. You remember? Vous allez vous souvenir. What does that verse say? Ce que le verset dit. You'll remember. Vous allez vous souvenir. Or, ou bien. You can easily remember because you concentrated on that scripture. Vous pouvez facilement vous rappeler parce que vous êtes concentré sur cette écriture. You ask a lot of questions about that scripture. Vous posez beaucoup de questions à propos de. You look for the meaning of some of the words. Vous cherchez la compréhension de certains mots. Hallelujah. You read it over and over again. Vous avez lu et relu encore et encore. You barely skip it. Par tout moyen, vous allez garder cette écriture. True or not true? Vrai ou pas vrai? Without being decided that I want to memorize the scripture. Même sans décider que je veux mémoriser cette écriture. The fact that you meditated on that scripture. Le fait de méditer sur cette écriture. You keep it. Vous allez le garder. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And that shows that you are deep. Et cela montre que vous êtes profond. You are deep. Vous êtes profond. You are not shallow. Vous n'êtes pas superficiel. Are you here? Yes. Are you here? Êtes-vous là? Let's do our quiet time. Faisons mon temps de recueillement. In Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Or Mark chapter 4. I think they are all in the same. Mark chapter 4. Yeah. Talks about Jesus quoting back the scriptures to Satan. Ça montre comment Jésus a répondu, a cité les écritures au diable. Hallelujah. The Bible says, the word of God says. La Bible dit, la parole déclare. Man shall not live by bread alone. L'homme ne vivra pas que de pain. The Bible says we should not tempt God. La Bible dit ne pas tenter Dieu. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, the Bible says. La Bible dit. The Bible says. La Bible dit. The Bible says. La Bible dit. Yeah. We should be able to have a lot of Bible says in our conversations. On doit avoir beaucoup de la Bible dit dans nos conversations. As you talk, the Bible says this. Quand tu parles, la Bible dit. Bible says this. La Bible dit. It means that you are deep. Ça veut dire que vous êtes profond. Hallelujah. Amen. Are you here? Yes. Oh, are you sad? Êtes-vous triste? So you are receiving the word. Quand vous recevez la parole. Hallelujah. Amen. Yeah. And you say the devil will bring a lot of ideas to you. Et vous avez, le diable va apporter beaucoup d'idées à vos têtes. You know, when they said Jesus was tempted of the devil. Quand on dit Jésus était tenté par le diable. The devil was not there physically. Le diable n'était pas là physiquement. You understand? Comprenez-vous? Because like, oh, the spirit of God took Jesus Christ to the desert somewhere. La Bible dit que l'esprit de Dieu a emmené Jésus-Christ quelque part. And he went to fast and pray 40 days and 40 nights. Et il est allé jeûner et prier 40 jours et 40 nuits. And the devil came to him. Et le diable est venu vers lui. If you are the son of man, si tu es le fils de Dieu, turn these stones, change cette pierre into bread. En pain. And eat. Et mange. And he said, the Bible says. Il a dit, la Bible dit. The devil was not there physically. La Bible, le diable n'était pas là-bas physiquement. You understand? Comprenez-vous? He wasn't there physically. Il n'était pas là-bas physiquement. Yeah, and that is the weapon that the devil uses all the time. Et ça, c'est l'arme que le diable utilise tout le temps. Do you know that weapon? Connaissez-vous cette arme? Do you know that weapon? Connaissez-vous cette arme? Imagination and ideas. Les imaginations et les idées. The devil use imagine to tell you, give you this, tell you do this. Il va te dire fais ceci. Why don't you go and eat? Pourquoi tu ne vas pas manger? And Jesus rebuked. Et Jésus a répondu. Hallelujah. Amen. A lot of imagination, a lot of ideas, a lot of thinking. Beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. That come to our mind. Qui vient à nos is the devil. Dans nos têtes, nous sommes le diable. Are you there? Êtes-vous là? Do you understand? Comprenez-vous? Yeah. That's why sometimes when you get certain ideas, then you are confused. C'est pourquoi souvent quand vous avez certaines idées, vous êtes confus. You are afraid. Vous avez peur. Where do they come from? Oh, d'où est-ce qu'elles viennent? It's a suggestion of the devil. Ce sont des suggestions du diable. Huh? Are you here? Êtes-vous là? I don't think you understand. Je crois pas que vous compreniez. Yeah. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapitre 10. I'll show you something. Je vais vous montrer quelque chose. That's why you need a word. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole. Yeah, you need a word. 1 Corinthians chapter 10 verse 3. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Hallelujah. Amen. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For though we walk in the flesh, we do not walk after the flesh. Parce que nous marchons dans la chair, mais nous ne marchons pas selon la chair. Hallelujah. Amen. For though we walk in the flesh, we do not walk after the flesh. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Hallelujah. So the devil was in the desert. He was not fighting physically. The devil. Donc le diable était dans le désert, mais il ne combattait pas. Jesus le diable. Was in the desert. Was not fighting the devil physically. Donc Jésus était dans le désert, mais il ne combattait pas le diable physiquement. Hallelujah. Amen. For the weapons of our warfare are not carnal. Car les armes avec que nous combattons ne sont pas charnelles. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Casting down imaginations. Nous renversons les raisonnements. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. So casting down imaginations. Donc renversons tout raisonnement. And every high thing. Et toute hauteur qui exalte itself against the knowledge of God. Qui se lève contre la connaissance de Dieu. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. So you need the way. Donc vous avez besoin de la parole. To cast down. Afin de renverser. So Jesus cast down. Donc Jésus a renversé. He knew that it's the devil. Il savait que ça c'est le diable. And he said, devil. Il a dit. The Bible says. Il a dit Satan, la Bible dit. So the imagination will come to you. Donc l'imagination viendra à toi. The thinking will come. Les pensées viendront. The idea will come. Les idées viendront. And you say, devil, cast down. The Bible says this. Et vous allez dire, Satan, sort. La Bible dit ceci. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So, our major warfare. Donc, notre bataille majeure. Is in our minds. C'est dans la tête. Is in our minds. C'est dans nos pensées. And that's where the battle is. C'est là où la bataille se trouve. Hallelujah. That's where the battle is. C'est là où la bataille se trouve. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. If you don't know this, donc si vous connaissez pas ceci, you always overcome. Vous allez toujours surmonter. You always be overcome. Vous allez toujours être surmonté. By the devil. Par le diable. Yeah. If you know that the devil, this one, this idea. Si vous savez que cette idée là, is of the devil. Ça vient du diable. You will cast it down. Vous allez la renverser. Because you think that is not the devil. Parce que vous pensez que ce n'est pas le diable. So you must be able to note one to be able to identify which one is from God and which one from the devil. Donc vous devez être capable d'identifier laquelle est de Dieu et laquelle est du diable. That's where the battle is. C'est là où la bataille se trouve. So you say the Bible says that cast down, dit renverser. Cast down, renverser. Cast down, renverser. Yeah, cast down, renverser. What idea do you have? Quelle idée est-ce que tu as? That is coming from the devil. Qui est du diable? What imagination that you have in your head? Quelle imagination tu as dans la tête? That's from the devil. Qui vient du diable? The devil will not come like it. Il ne viendra pas comme. Yeah. The devil will not come like that. Il vient pas comme ça. Nice one. No. Vraiment joli. Yeah. Sometimes it will come with the words of somebody. Souvent il vient avec les paroles de quelqu'un. You come and speak to you. Il va venir te parler. Then you listen. Et tu écoutes. Then you begin to think. Et tu commences à penser. The devil is fighting already. So if you don't have a word of God, donc si tu n'as pas la parole de Dieu, to say that this one is contrary to the word, pour dire que oh ça c'est contraire à la parole. You see that you okay. Tu veux vous dire, I shouldn't go to church. Eh? Oh okay, donc je ne vais pas à l'église. I shouldn't give all my offering. Eh? Oh, je ne dois pas donner tout ce que je prends. I shouldn't give my tithe. Oh, je ne dois pas donner ma dîme. Hein? Oh okay. That's why a lot of us we don't pay our tithe. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ne payez pas la dîme. The devil has taken it. Le diable vous l'a pris. And you think that is true. Et tu penses que c'est vrai. I don't have money, so I shouldn't pay my tithe. Je n'ai pas d'argent, donc je ne paierai pas ma dîme. Continue to be in poverty. Tu vas continuer à être dans la pauvreté. Yeah. Because that's what he wants you to do. Parce que c'est ce qu'il veut que tu puisses faire. Are you here? Êtes-vous là? A lot of us, we don't consider church. Beaucoup d'entre nous ne le considérons pas l'église. We don't consider pastors. Nous ne considérons pas les pasteurs. We are against the church. Nous sommes contre l'église. Because the devil has brought imagination into our minds. Parce que le diable a amené des imaginations against dans nos têtes. The things of God. Contre les choses de Dieu. So we don't believe it. Donc tu ne crois pas ça. And we don't know the word. Et tu ne connais so pas we la parole. Believe what the devil is saying. Donc tu crois ce que le diable te dit. So we speak against the church. Donc il parle contre l'église. Against the word of God. Il parle contre la parole de we Dieu. We don't want to come to church. Tu ne veux pas venir à l'église. You come because you are forced to come. Tu viens parce que tu es forcé à venir. Are you here? Êtes-vous là? That's the problem that we have. C'est le problème que nous avons. And you have somebody who will be speaking to you. Et tu as quelqu'un qui sera en train de te parler, te dire des mauvaises choses, des mauvaises choses. You think he's just saying? Tu crois qu'il est juste en train de le dire? It will not go. Ça ne va pas partir. It will begin to go into your mind. Ça va commencer à tourner dans ta tête. One day there was a girl. Un jour, il avait une fille. Somebody has spoken to her. Quelqu'un lui a parlé. And she began to speak up against the church. Et elle a commencé à parler contre l'église. Yeah. Then I heard it. Et j'ai entendu cela. And I called her. Et je l'ai appelée. She didn't even, I don't think whether she knows or she doesn't know. Je sais pas si elle sait ou elle ne sait pas. And I began to bring the word of God into her. Et j'ai commencé à faire entrer la parole de Dieu à elle. To stop. That imagination. Pour arrêter cette imagination. Yeah. When I began to quote the verses. Quand j'ai commencé à citer les the versets. Bible says this. La Bible dit ceci. And I will explain. Et j'explique. Intentionally. Intentionnellement. Because I know what is in her mind. Parce que je sais ce qui est dans sa tête. And she didn't know. Elle ne savait pas. She didn't know that I heard that somebody has spoken to her. Je ne savais pas que j'avais entendu que quelqu'un avait lu, avait parlé. In the end. À la fin. The imagination was passed. L'imagination était chassée. Yeah? Yeah? So if you don't have the word, donc, si tu n'as pas la parole, you cannot stand. Tu ne peux pas tenir. You cannot stand. It's because you don't know. Tu ne peux pas tenir, c'est parce que knowledge tu ne sais of pas the scriptures. La connaissance de la parole. Hallelujah. Amen. The word, what the word says. Qu'est-ce que la Bible dit? A lot of us, we have a whole lot of foolish things, foolish talkings. Beaucoup d'entre nous avons excuse me to say that. Nous avons des paroles folles. Yeah. People tell us funny things. Les gens nous disent des trucs vraiment bizarres. Yeah. Things that are not true. Des choses qui ne sont pas vraies. So now when I hear them, I'm like, oh. Quand j'écoute, oh. Ignorance. L'ignorance. Ignorance. Oh, l'ignorance. But me, I don't meet those people. I don't meet them. Moi, bizarrement, je ne rencontre pas ces personnes-là. Because when you say, I say, okay, show me in the Bible where. Je te what dis, you are saying, show me where in the Bible. Où ça se trouve? Quand tu me dis, je te dis, montre-moi dans la Bible. Yeah? Show me where the Bible says that this. Montre-moi où est-ce que la parole dit ceci ou cela. See that they will not be able to say. Les gens qui ne sont pas capables de dire. Alléluia. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you going to be? Not, are you going to look for knowledge of the word? Allez-vous commencer à chercher la connaissance de la parole? Yeah, knowledge. La connaissance. Knowledge. Connaissance. About the Holy Spirit. À propos du Saint-Esprit. Knowledge. Connaissance. About salvation. À propos du salut. Start with the basic ones. Commence avec les choses basiques. Why should I be in church? Pourquoi est-ce que je dois être à l'église? Why should I come and sit here and listen to the word of God? Pourquoi est-ce que je dois venir m'asseoir look for et voir la parole de Dieu? Cherche et c'est là-bas. Hallelujah. Amen. Is there when you look at the book of Acts? Is there examples are there for you to see? Quand vous voyez dans le livre d'Actes, c'est là-bas. Il y a quelque chose. Why we need to be basil? That's why a lot of you don't go to the basil. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous n'allez pas à la cité. And you are not even interested. Et vous n'êtes même pas intéressé. Yeah. Read the book of Acts. Lisez le livre d'Actes. They met in they went to the synagogue. La Bible dit qu'ils partaient à la synagogue. And they went to their homes. Et ils allaient dans les maisons. They met in their houses. Ils se rencontraient dans les maisons. And they go to their synagogue. Et ils allaient à la synagogue. Also. Aussi. All the time. Tout le temps. So there's church and there's house. Donc il y a that's l'église. We have the parcel. Et il y a la maison. C'est pourquoi nous avons les cellules. Yeah. Yeah. It's there. Clear. C'est là-bas, c'est clair. So we are not doing anything out of the Bible. Donc nous ne faisons pas les choses hors de la Bible. In Romans, he said, do not forsake the assembling. Dans, of ourselves. En romain, il dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Ou, en Hébreux, chapitre 10, verset 25. Chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Are you here? Is that c'est là-bas, c'est so clair. When you see somebody who knows the way, donc quand vous voyez quelqu'un qui connaît la parole, you don't call him. Allez pas l'appeler. You don't call. He will come and say, oh, call you. Oh, are we not having church service? Oh, il va t'appeler, te dire, oh, tu n'as pas l'église. Yeah. Are you not having church service? Tu n'as pas, y a pas l'église. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Last week we went to Pinnacle. La semaine passée, nous sommes allés à Pinnacle. Yeah, and we're praying there. Et nous étions en train de prier là-bas. Yeah, and this brother came. Et ce frère est venu. He's not in the church. Il n'est pas dans l'église. He was telling another person. He was telling another person. Il disait à une autre personne. I want to join them and pray. Je veux les rejoindre et prier. I want to join them and pray. Je veux les rejoindre et prier. And I saw that, oh, they were discussing. I said, what's the problem? Je voyais qu'ils étaient en train de discuter. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? So, I just want to come and pray with us. Il dit, oh, il veut juste venir prier. You see that there's somebody who knows, who understands what is prayer. Que c'est quelqu'un qui comprend, qui sait ce que c'est que la prière. And what, how to, why should pray, why you should pray with others? Pourquoi prier avec les autres? And I said, oh, come, and pray with us. Oh, viens, avec nous. To pray was happy with us. Il est venu prier, il était content avec nous. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. You see that somebody who is deep, who understands. Vous voyez quelqu'un qui est profond, qui comprend. He said, come for prayer, you won't come. C'est venu pour la prière, vous le tomorrow we pas. Have prayer, all night prayer. Demain, nous avons fait de prière. A lot of you are going to go and sleep like this. Beaucoup d'entre vous allez partir prier, juste dormir. And see that devil will be happy. Vous verrez que le diable sera content. At midnight. À minuit. The devil will take his fan. Il va prendre son ventilo. Then you'll be sleeping. Sleep on. Continue de dormir. Hein? A lot of spiritual things happen at midnight. Beaucoup de choses spirituelles se passent à minuit. Yeah, the devil gets up, demons. Midnight, when you are sleeping. Comment que tu dors? You see that they'll be fanning you and doing things. C'est parce qu'ils vont te faire juste le vent comme ça, ils sont dedans. Yeah. They say, come and pray. On te dit, viens prier. It's because you are superficial. Parce que tu es superficiel. You are not deep. Tu n'es pas profond. You don't understand. Tu ne comprends pas. You don't have the knowledge of the scriptures. Tu n'as pas la connaissance des écritures. Wow. Yeah. That's why a lot of people fall away. They stop coming. Ils arrêtent de venir. They don't understand anything. Ils ne comprennent rien. They don't know why. Ils ne savent pas pourquoi. Why you should dress properly. Pourquoi est-ce qu'on doit s'habiller différemment. Don't expose yourself. Ne pas t'exposer. You don't know the Bible says that your body is a temple of the Holy Spirit. Ne sais pas que la Bible dit que ton corps est a temple of the Holy Spirit. Le temple du Saint-Esprit. A temple of the Holy Spirit. Le temple du Saint-Esprit. Do you know the Holy Spirit? Vous connaissez le Saint-Esprit? A temple of the Holy Spirit. Le temple du Saint-Esprit. Toi. And you are letting somebody touch the temple. Et tu laisses quelqu'un le toucher. Who is not allowed? Qui n'est pas permis. It's because you don't have that knowledge. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'es pas profond. You are not deep. If you are deep, profond. Si tu es profond, you will keep it. Tu vas garder ça précieusement. A temple of the Holy Spirit. Un temple du Saint-Esprit. Hey. All these things come by the quiet time. Quiet time with God. Not that, oh, today I'm going to swallow the whole Bible. But non, aujourd'hui je vais avaler toute la Bible. No. Is that how you? Est-ce que comme ça tu manges? Is that how you eat achéké? C'est comme ça que tu manges achéké. That you take all the achéké of Côte d'Ivoire, then you eat all achéké. Prends toute l'achéké de la Côte d'Ivoire. I finish everything, so. Tu veux manger toute l'achéké de la Côte d'Ivoire. Eat like that. C'est comme ça que tu manges. Is that how you eat? Even the whole day, you eat small in the morning, small in the afternoon, small in the... Is that not how you eat? Même toute la journée, tu manges un peu so le matin, un peu le soir. So the word of God is saying you are nourishing your spirit. Donc la parole de Dieu nourrit ton esprit. So small here, one scripture today. Donc, tomorrow, another one. Aujourd'hui, the next day, another one. Demain, the next day you come back, you can even take the one that you ate yesterday and say that, oh, let me revise it again. Et le jour prochain, tu viens, tu prends. Because sometimes when you eat achéké today, tomorrow you don't eat. The next day you eat achéké. Oh, then you come back, okay, it's a long time I ate achéké, so let me eat achéké again. Parce que quand vous mangez achéké, vous allez manger achéké aujourd'hui, demain vous allez manger une autre chose, et après vous allez dire, oh, ça fait longtemps que j'ai mangé achéké, je vais repartir manger achéké. Is that not so? C'est pas comme so when you're doing your question, today there's this scripture. Tomorrow you do another one. Tomorrow another. So, oh, let me revise that. That one. Let me go back. Something there I need to check. C'est pareil lorsque vous faites votre temps de recommandement. Aujourd'hui, je prends ça. Demain, je prends l'autre. Après, demain, je prends ça. Mais après, je revenais encore pour prendre le principe de choses ici. You are balanced. Vous allez voir que vous serez équilibré. La balance. Balance diet. Équilibré. Balance food. Une nourriture équilibrée. Un régime équilibré. For your spirit. Pour ton esprit. Yeah? Oui. Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous là? Are we going to seek for knowledge? Allons-nous chercher la connaissance? One day, one verse. Un jour, un verset. One day, one verse. Un jour, un verset. One day, one verse. Un jour, un verset. One day, one verse. Un jour, un verset. One day, one verse. Un jour, un verset. Hallelujah. Amen. It will change your life completely. Ça va changer ta vie complètement. Yeah. You will be strong. Tu seras fort. Be strong. Somebody go, I love you. Quelqu'un va dire, je t'aime. You begin to look at the person. Commence à regarder la personne. With in reference to. En référence avec. In reference to. En référence. The person loves me. The person loves me. Will buy me papaya. Bible ne dit pas que la personne qui t'aime va t'acheter papaya. Or pair of shoes. Ou une paire de chaussures. He has bought me a pair of shoes. He loves me. He has bought me a pair of shoes. Il m'a acheté une paire de chaussures. Have you seen that in the Bible? Avez-vous vu ça dans la Bible? Yeah. Because a lot of things, that's what you use. Beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites. Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous là? I'm closing. Oh, je vais terminer. I'm closing. Yeah. Inability to pray for 1 hour every day. L'inhabilité de prier pour une heure chaque jour. It means that you are shallow. Ça veut dire que vous êtes superficiel. Yeah. Somebody who's deep will pray for a long time. Quelqu'un qui est profond va prier pour longtemps. If you can't pray for a long time, si vous pouvez prier pour longtemps, it's because you don't know your God. C'est parce que vous ne connaissez pas. And you are not deep. Et pas profond. Yeah. You're not deep. Pas profond. Hallelujah. Amen. Are you there? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. Oh, sorry. You see, I think that je pense que we need to review on a besoin de revoir our Christian life. Notre vie chrétienne. Review. Revoir. Yeah. Inability to lead and to teach after being a Christian for 2 years. L'inhabilité de d'enseigner ou de diriger après avoir été un chrétien depuis 2 ans. Maybe a lot of you are exempted. Beaucoup d'entre vous, un cas particulier. Now I give you 1 year. Maintenant, je vous donne une année. If you are here for 1 year, vous êtes là pour une année, 2 years, 2 ans, and you can't teach, et vous ne pouvez pas enseigner, teach the word of God, enseigner la parole de Dieu. You are shallow. Hallelujah. Amen. Are you there? Êtes-vous là? Hebrews chapter 5 verse 12. Hébreux 5, verset 12. For when, for the time, you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracle of God, and are become such as heed of need of milk and not of strong meat. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Yeah, it's a sign of maturity. Un signe de maturité. And a sign of somebody who is knowledgeable. C'est quelqu'un qui a de la connaissance. Who can sit you down. Qui peut te faire asseoir. And open the Bible. Et ouvrir la Bible. And explain the word. Et expliquer la parole. Let's see that the person is deep. Vous allez voir que la personne est profonde. You can't teach it. You are not deep. Tu ne peux pas le faire, tu n'es pas profond. It means that you don't have your quiet time. Inability to read, to be lack of interest in Christian books and messages. un manque d'intérêt dans les livres chrétiens et les messages. Hallelujah. Amen. Yeah, it means that you are shallow. Vous êtes superficiel. Are you here? Yeah. What Christian book are you reading now? Quel livre chrétien êtes-vous en train de lire? What Christian book? Do you have a Christian book you are living? Avez-vous un livre chrétien que vous lisez? Yeah. If you don't have a book, Christian book you are reading, vous n'avez pas un livre chrétien que vous êtes en train de lire. You are shallow. You should have a book you are reading. Vous devez avoir un so, livre. Oh, this month, this is a book I'm reading. Pour ce mois, c'est le livre a Christian lis. Book. Un livre chrétien. Yeah. It takes your knowledge to higher. Ça va prendre votre connaissance à un autre. Very high. Vraiment élevé. Hallelujah. Amen. And you become strong. Vous allez devenir fort. You understand scriptures. Vous allez comprendre les écritures. Yeah. Yeah. Sometimes I do my quiet time. Non, je fais mon temps de recueillement. And maybe I get blessed, I'm blessed with a quiet time. Je suis béni avec vous. Yeah. But I start to read a book. Je commence à lire un livre. And the books have the scripture in it. Et le livre a la, les écritures de... Hallelujah. Amen. The scripture, the verse that I meditated. Souvent les versets que j'ai médité. Is in the book. Sont dans le livre. Hallelujah. Amen. And I'm reading that book. Et je lis ce livre. I get a different understanding. J'ai une compréhension. Completely. Complètement. Most of them different from what God has told me. Souvent très différent de ce que Dieu m'a dit. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Because most of the good Christian books. Parce que la plupart des bons livres chrétiens. Are people that God has spoken to. Sont des livres à qui Dieu, sont des gens. Or they meditated on the scripture. Où ils ont fait une méditation. And God spoke to them. Un verset et Dieu les a parlé. And they've written it. Hallelujah. Amen. So you're receiving another revelation. Donc vous allez recevoir une autre révélation. Of the same thing. La même chose. That you meditated. Que vous avez médité. Hallelujah. Amen. Yeah. And if you have done that before, you understand what I mean. Et si vous avez fait ça avant, vous comprenez ce que. If you already meditated a scripture, a verse. Vous avez déjà médité sur un. And you are reading a book one day. Vous allez lire un livre un jour. And it talks about the verse. Ça parle du verset. You feel excited. Vous êtes excité. You feel so happy. This verse, I know this verse. Oh, je connais ce verset, je connais ce verset. And you learn things about the verse. Vous apprenez encore des choses sur le verset. Hallelujah. Amen. And it makes you deeper. Ça vous rend profond. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. Yeah. And the last one. Dernière chose. Or last but one, there are two things. Inability to worship God. Inhabilité d'adorer Dieu. Yeah. That you get up alone. Vous vous levez seul. In your room and you worship God. Dans votre chambre. Some of you, even when we come to church, we are helping you to worship God. You don't worship. Plusieurs d'entre vous, même quand on vient à l'église, vous vous êtes donc adoré. Vous ne voulez pas adorer. Yeah. You come to, oh, let's sing this song. Then you are there. You open your throat. You fold your arms and you are looking. You won't sing. Vous allez croiser les bras. You see, somebody who is deep. Vous allez voir quelqu'un qui est profond. Somebody who is mature Christian. Quelqu'un qui est un chrétien mature. And he comes to church. Il vient à l'église. And you don't know the song. You see that you'll be trying to learn the song. At least, maybe you learn the chorus, because the chorus, they sing it so many times. Au moins, il va apprendre le chœur, parce que le chœur en chante plusieurs fois. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, see that this person understands. This person knows what it is to worship. La personne comprend ce que c'est qu'il a adoré. Yeah, so you try and do it. Then you'll be singing, trying to sing some parts. With the people trying to sing and. Yeah. When you see people come, then they say, we are singing, okay. On voit les gens venir, on dit, oh, on chante, voyez les gens, ils croisent les bras, ils sont là. Lift up your hands. On dit, levez les mains. Lift up your hands. Ne levez pas les mains. They won't lift up their hands. They will just do it. Levez les mains. Ils ne lèvent pas les mains. Hey! Hey! What sort of people are in church? Quel genre de chrétiens devant l'église? Hey! Oh, no. Dale. Oh. You see that people are shallow. Look, les gens sont super. They are not deep. They don't understand what they are doing. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Wow. Wow. But God will help you. Et Dieu va vous aider. You'll be deep. Vous serez profond. You know God. Vous allez connaître Dieu. You serve the God. You know the God that you serve. Vous allez connaître le Dieu que vous servez. Hallelujah. Amen. You have a different attitude towards God. And the things of God. Et les choses de Dieu. Yeah, I love worship. Oh, moi j'aime l'adoration. I love worship. J'aime l'adoration. I love. It's not about voice. Ce n'est pas à propos des paroles. You can have a good voice, you sing, God will not even listen to you. Yeah. It's about your heart. You love God. Yeah. Hallelujah. Amen. Inability to fellowship regularly. It means that you are shallow. Yeah. You don't come to church all the time. There are always excuses. You won't come. You come today, tomorrow you won't come. We have to force you. Sometimes you are hiding. It means that you are not deep. You are not deep. You don't understand it. They are trying to help you. And you are hiding. Human beings, we don't like good things. One day, Bishop said that as human beings, we don't like good things. Yeah. Long time ago. Long time, he said, maybe I didn't understand it at that time. He said it a long time ago. But at that time, I didn't understand. But now I understand. You are trying to help you, but you don't want it. Come to church and get blessed. He will not come. You are trying to help him. Pray. You will not pray. I'm just helping you and reminding you that you should pray. You're not praying for me. You're praying for yourself. Do your quiet time. You're not doing the quiet time for me. Is it for me? It's for yourself. But you will not do it. Are we changing? I'm preaching so that you change. Je prêche afin que tu changes. And I know you are changing from today. Je sais que tu vas changer à partir d'aujourd'hui. Yeah, I'm changing from today. Changing. Do you understand? Most of the things we do here, it's for you. It's for your good. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Even the offering that you are giving. Même le fond que tu if you have a deep understanding of offering, tu as une compréhension profonde and tight, et de la dîme, you will be begging to pay. It's because you don't know. That's why we are forcing you and you are refusing. You refuse. Yeah? Because if you give it up, you know, the light here. We are paying the electricity for you. Because if you come, there's no light. You'll be in darkness. The chest. That's what you are sitting on. True or not? That's why we have a building. That's why we bought this. Where do we get the money to buy? When you go to restaurant, and you go and sit down, and you order, chef, oh, how do you call him? Waiter, Serveur. Give me what? Fried rice. Chicken. Le poulet. One more. Un autre. Add more. Ajoute un autre. Then you sit down. Tu t'assois. Why you say that? It's the chair. Did you bring the chair there? Have you asked somebody, have you bought rice for somebody to cook for you? And you finish eating. You say, chef, thank you, I'm going. Waiter, thank you for serving. Serveur, merci. See you tomorrow. Va servir. On se voit demain. What will happen to you? Qu'est-ce qui va t'arriver? A lot of problem for you. Beaucoup de problèmes pour toi. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. But here you come. We are not saying it's 30 Ghana cedis. Or 50 Ghana. We are not saying it's one Ghana cedis. What you have, what God has blessed you with, ce don avec ce que c'est. Take some and come and give. Prends quelque chose et viens. You understand? Comprenez-vous? Yeah. So that we can continue to preach the word to bless you. I always used to tell people that what I'm telling you to do is for your own good. It's not my own. Yeah. One day I told somebody. No, recently, last week or last week. I told a girl. She's 18 or 19. She said she has a boyfriend. In South Africa. And I said, stop with him. You are too young to get yourself involved in that. And I told her. And I said, will you do it? Vas-tu le faire? She said, yes. Elle a dit, oui. Are you sure? Es-tu sûr? She said, yes. Elle a dit, oui. And I said, I'm telling you, je te le dis, not because I want you. Pas parce que je veux de toi. Yeah. Sometimes people think, you think that, oh, I'm worrying you. Is it because I want you? No. It's because it's for good. It's good for you. Yeah. It's good for you. Good for you. Yeah. By the grace of God, I'm married by the grace of God. And God has blessed me. Yeah. So it's not because I... C'est pas parce que... Hallelujah. Are you blessed? So what we are asking you to do, quiet time, is for your own good. You will be blessed so many times. God will bless you. You have a good relationship with God. And you have a good relationship with God. Anything you ask, He will give you. If you are my friend, you are always with me. There are some people that when you are close to me, I'll just give you something. When you ask me something, I'm happy to give it to you. Yeah. But there are some people that when I'm giving you, it's paining me. Because you are far away, I don't know you. I don't really know you. I don't know. I just, you are far away, me too, I'm here. But those who are close, when you ask me, and I have, I'm happy to give. I will give you more, even more. Yeah? Because you are close. You understand what I'm saying? It's the same way with God. When you are close to God, God is happy. He wants to bless you. So the quiet time is for you. It's not for me. It's for your own good. Hallelujah. I'm sure you are blessed. Please stand up, stand up, stand up. Let's close. Hallelujah. I want us to pray. Just 1 minute. Thank God for His word. And decide in your heart that you're going to obey the word and do your quiet time. So pray to God to give you the grace and to remind you always, every day, to do your quiet time. So thank God, everyone, thank God. Thank God for the word. Close your eyes and thank God. Close your eyes and thank God for the word that you received tonight. God wants to bless you. God is looking for an opportunity to bless you and wants you to do your quiet time and meet Him every day. Every day meet Him. He will speak to you. He will give you direction. He will show you what to do. He will tell you things to come. Father, we thank you. We bless you. We give you all the glory. We thank you, Lord. Help us. Help us to do our quiet time. Help us to come every day and meditate your word. And meditate your word in the name of Jesus. Father, we give you the glory. We thank you. We honor you. We give you the glory. Father, we bless you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Close your eyes. I want to pray for you. If you are here and you are not born again, and you are not sure that if God calls you today, you are ready to go. You are not sure whether you go to heaven or you go to hell. You are not sure. Tonight, God is calling you. God wants to save you. And tonight, I want to pray with you. And you give your life to Christ. So that one day, you also be called into heaven. If you are here like that, I want to pray with you. You are not born again. Maybe somebody invited you tonight and you are here. Or you've been coming for a while. But your life is such that you are not sure if you go to heaven. If you are here like that, lift up your hands. I want to pray with you. Lift up your hands. Everybody, close your eyes. Thank you, my sister. You too, you want to be saved. Pray. God wants to save you. You want to pray for God to save you. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. God wants to save you. My sister, if you want to come, let me pray with you. Hallelujah. Lift up your hands. And repeat after me. Seigneur Jésus, merci pour le sacrifice que tu as fait sur la croix. Ce soir, j'ai décidé de te recevoir. Seigneur, merci. Et pardonne-moi tous mes péchés. Sauve-moi ce soir et change ma vie. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Dis Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Je vais le servir le reste de ma vie. Et je coupe tout lien que j'ai tissé avec toi, consciemment ou inconsciemment, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour m'avoir sauvé. Je vais te servir et donne-moi la grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à BNP, non loin du 3 Station, en face de Sugar Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30 pour une rencontre qui va changer votre vie le meilleur. Aimez notre page Facebook, Mission Internationale Jésus qui guérit à BNP pour plus de messages. Soyez bénis. Je t'aime.